Ah ouais, ça, tu voulais quoi comme moi, quoi? Non, ça va, moi aussi. Hein. Bah, après, bon, on a été plusieurs à les voir. La technique du barbat n'est pas idéale. Yeah.